Monsieur Lucas de la Cour, bonjour. Vous êtes suivi par le docteur Dumont qui vous demande de passer une radiographie du dos. Vous avez quel âge ? 32 ans. Vous savez, de plus en plus de jeunes ont ce genre de problème. Montrez-moi où vous ressentez une douleur. Dans le bas du dos, plutôt à gauche, par là. Bien. Vous souffrez à des moments en particulier ? En fait, j'ai surtout mal au bureau quand je travaille sur l'ordinateur. Pourtant, j'ai un fauteuil ergonomique très adapté. J'ai aussi mal quand je piétine, au musée par exemple. Je vois. Les problèmes de dos, c'est le mal du siècle. Vous pratiquez une activité physique régulière ? Oui. Quand je peux, je vais travailler à vélo. Et de temps en temps, le soir, je vais faire des longueurs à la piscine. Excellent. Vous prenez des antidouleurs ? Le médecin m'a prescrit des calmants, mais ça ne m'a pas fait grand-chose. Et puis, il ne faut pas abuser de ce genre de traitement. Vous avez vu un kinésithérapeute ? Oui, j'ai fait une dizaine de séances et le matin, quand j'y pense et que je ne suis pas trop en retard, je fais des mouvements chez moi. Parfait. Passez en cabine, enlevez votre chemise, votre pantalon et je viens vous chercher pour la radio.